Mixtape, je te le dis, j'ai travaillé dur. Je voulais que ça soit du bon taf comme Picasso et ses peintures. Depuis que je touche dans ma main, gros chat du gratté. Je voulais mettre la barre haute pour que personne ne puisse tester. Ma bouche a dit, je mets quelques micros. Aujourd'hui, demain, mixtape, je chante même l'intro. La barre est haute, personne pourra la redescendre. Si un hate, après ce son, tu vas déjà te prendre. Pour ce tape, je suis battu comme un guerrier entre les coups de main et les milliers de croche-pieds. Je tiens à remercier ceux qui m'ont fait avancer. Tu trouveras des sons pensants ou bien d'autres pour t'ambiancer. Imagine, tu as mon inspire, on a pris une claque. Je la défendrai à vie, même braqué par un Glock. J'ai dû taper entre les morts et les emprisonnements, entre les cours et les galères, et crois pas que je te mens. Il flow, l'étoile. Sérieusement, t'as cru que c'était fini. Je voulais que chaque track fasse mal, je pense que t'as compris. Crois pas que j'ai fait ça, juste pour la recette. Tu kiffes la vibe, j'en suis sûr que tu bouges la tête. Les gens critiqués, je viens fermer des gueules. Ça vient du Luxembourg, je représente Billy Campton. Ça a été dur, je pense que toi-même tu sais. Avant tu parlais pas, après la tête, viens pas me sucer. Personne m'a aidé pour faire mon putain de buzz. Si je suis là, je le mérite, crois pas qu'il y ait eu de bugs. Cette tape sera classique pour ce pays. Elle explose comme le volcan de Pompéi. Au point où j'en suis, tu penses que je peux plus m'arrêter. Je suis pas un de ceux qui ont le style juste pour pas rater. Ça c'est que l'intro, histoire de chauffer l'oreille. Dégomme le cerveau, comme prendre la coke, tu prends un rail. Comme prendre la coke, tu prends un rail. Enfoiré.